De son couronnement. Ordonne que Maquis soit libéré sur le champ. Elle lui confère par les présentes un titre héréditaire de père du royaume. Le castel de Molbric sera son fief et une rente à vie de 1000 écus d'or lui est gracieusement accordée. Sa Majesté adresse tous ses vœux au jeune couple présent dans l'assemblée. Si les messagers du roi arrivaient au bon moment, chacun reste là où il est. Entonnons le choral des humiliés dont vous avez tous ce soir joué la vie. Car la vie est en réalité finie mal. Les messagers du roi ne se dérangent pas quand les opprimés veulent briser leurs fers. Aussi, ne leur jetez pas la première pierre.